Lebon ci ben ka rapide la won nak mu am ñaari gars ak ben jago bu togon ci kanam legi apprenti bi di lacte passe ne ci kanam passe mais chauffeur ñaati ni ta nek fofu chauffeur du xol ne fi dal mang fi gis ñaari personne ak ben jago rek jago bi tepp eh yen xana jago du tension fofu le jexé